Retour sur une histoire vieille de 4000 ans. Celle du plus ancien manuscrit de la civilisation occidentale, portant un message intemporel et mystérieux. Autour de cette existence existera-t-il le bonheur, entendre scribe et sacrificateur, percevoir ce monde de désolation, pour tous les jours mourir un peu plus dans la perception, ne plus exister, perdre la vie à jamais, ou mourir pour renaître, être enfin maître de son être. Exactement, l'existence est précieuse, un combat pour les âmes courageuses. Une bénédiction pour celui qui cherche Dieu, qu'il vive heureux, oh heureux. La conscience de l'homme est trahison, il finira mangé par ses démons. Les démons gardiens d'une vie bien faite, il finira peut-être par perdre la tête. Regardons un peu ce que l'on détient, pour accepter un destin qui t'appartient. Que le bonheur est proche, que la réussite est moche, les efforts sont si de débauche. Donc détruisons ce qui nous reste, pour regarder le besoin lorsqu'il se manifeste. Mon message est clair, vivez votre vie car elle est éphémère. Il existe une terre qui porte à son nom, et des hommes de compassion. À présent mon Dieu, il ne reste plus rien, juste quelques hommes qui écoutent ce qui t'appartient. Un silence au cœur égyptien, à vrai dire ma dixième vie se passe très bien. J'ai posé les armes pour aimer, silence à jamais, il existe une terre qui porte à son nom, et des hommes de compassion. À présent mon Dieu, il ne reste plus rien, juste quelques hommes qui écoutent ce qui t'appartient. Un silence au cœur égyptien, à vrai dire ma dixième vie se passe très bien. J'ai posé les armes pour aimer, silence à jamais. En effet, gardez les bienfaits de votre pensée, soutenez votre âme lorsqu'elle désire vous dicter. Je ne suis pas meilleur, mais le malheur mange mes dernières sœurs. Que Dieu soit loué, qu'il soit loué, que son cœur dicte nos pensées. Que les enfants de la terre soient proches de lui et aimés, qu'ils soient tous proches de lui à jamais. Que le meurtre quitte mon peuple, qu'il quitte mon peuple à jamais, qu'il puisse bénir l'ennemi de celui qui est tombé. Que la bénédiction détruise ce qui a de mauvais. Je me présente silence, force, guérison, guérison par mes consciences. Il est vrai que je ne connais pas l'amour, que le mal a su me jouer des tours. Il est vrai aussi que j'aime le Dieu unique, et que l'insensé vit dans un monde unique. Il est vrai que la solitude fait battre mon cœur, que les secrets de mon existence sont ailleurs, que j'ai combattu une fois de plus mes démons sans rien de bon. Le vécu le plus pourri de la terre a fait que je rencontre mon père. Nous sommes tous proches d'un monde meilleur, encore faut-il oublier les dernières sœurs. En vérité je vous le dis, sérieusement je crois que j'aime la vie. Il existe une terre qui porte à son nom, et des hommes de compassion. À présent mon Dieu, il ne reste plus rien, juste quelques hommes qui écoutent ce qui t'appartient. Un silence au cœur égyptien, à vrai dire ma dixième vie se passe très bien. J'ai posé les armes pour aimer, silence à jamais. Il existe une terre qui porte à son nom, et des hommes de compassion. À présent mon Dieu, il ne reste plus rien, juste quelques hommes qui écoutent ce qui t'appartient. Un silence au cœur égyptien, à vrai dire ma dixième vie se passe très bien. J'ai posé les armes pour aimer, silence à jamais, à jamais.